إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن النعمة التي أنتم مقبلون عليها إنه موسم الخيرات والبركات، إنه وقت تنزل الرحمات من رب الأرض والسماوات، إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صومه ثالث أركان الإسلام ومبانيه العظام، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الجان. عباد الله، كيف تستقبل هذا الشهر، وكيف يكون لنا منه أوفر الحظ والنصيب؟ اعلموا أولا أنه ليس استقبال رمضان بشراء أنواع العصير والعصيرات والمشروبات، ولا بتوفير أصناف المأكولات، ولا بتجهيز المطابخ للطعام، ولا للتفرغ للنوم، وإن استقبال رمضان يكون بالعزم على الطاعات والمبادرة لفعل الخيرات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا الله أن يستر عوراتكم، أن يستر عوراتكم، وأن يؤمن روعاتكم. رواه الطبراني وحسنه الألباني. أيها المسلم، هذه تسعة أمور تستقبل بها رمضان. أولا، الدعاء بأن يبلغك الله شهر رمضان. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة، ورواه الأربعة وصححه الترمذي والألباني. وكان السلف الصالح يدعون الله أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه أن يتقبله منهم. فإذا بلغت رمضان ورأيت الهلال تقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى الهلال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. رواه أحمد وطلحة وحسنه الألباني. ثانيا، الشكر لله أن بلغك رمضان. فكم من رجل كان يصلي بجنبك في القيام العام الماضي وهو الآن يرقد في التراب، خصوصا الآن مع ما أصابنا من هذا المرض الخطير، نسأل الله العافية. ولو قيل له تمني يعني يقول يعني أردت يعني يقال أو لقال يعني ساعة من رمضان، لود أن له ساعة من رمضان فقط، يعني ليرجع إلى هذه الدنيا وليعمل من الخير فيه. ثالثاً الفرح والابتهاج. وقد كان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين يهتمون بشهر رمضان ويفرحون بقدومه. أي فرح أعظم من الإخبار بقرب موسم الخيرات وتنزل الرحمات. رابعاً عقد العزم الصادق على اغتنامه وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة. فمن صدق الله صدقه وأعانه على الطاعات ويسر له سبل الخير. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فخطط لنفسك كيف تقضي يومك من بعد السحور إلى السحور في اليوم التالي. أين ستصلي؟ أين ستصلي التراويح؟ وخصوصا في هذه الأحوال كيف سنصلي؟ لابد أن نفكر في هذا. الذي يستطيع أن يصلي إذا أقام رمضان في المسجد فهذا خير إذا استطاع. أما الذي لا يستطيع أن يصلي التراويح في المسجد، على الأقل يصلي عدد من الركعات بعد العشاء في بيته مع أهله، ولا يترك التراويح بعذر أن المسجد غير مفتوح أو أن الأمر يعني لا يتيسر مثلا مع العدد القليل في المسجد. يعني يصلي التراويح في بيته مع ما يحفظه أو ما يعرفه أو يقرأه من المصحف، ويصلي مع أهله، فهذا خير كبير. وكم تقرأ في اليوم من جزء من القرآن أو من حزب؟ وكم تستغفر؟ وكم تسبح؟ وكيف ومتى تدعو ربك وتتضرع إليه؟ وهكذا. واحزم أمرك وقسم يومك وليلك وأبشر، فسوف تحصل خيرا بإذن الله. خامسا تعلم أحكام الصيام والتفقه فيها. فيجب على المؤمن أن يعبد الله على علم، ولا يعذر بجهل الفرائض التي فرضها الله على العباد، ومن ذلك صوم رمضان. فينبغي للمسلم أن يتعلم مسائل الصوم وأحكامه قبل مجيئه ليكون صومه صحيحا مقبولا عند الله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم، قال فاعلم، وقال سبحانه: وقل ربي زدني علما. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. سادسا التوبة الصادقة. فعلينا أن نستقبل رمضان بالعزم على ترك الآثام والسيئات والتوبة الصادقة من جميع الذنوب والإقلاع عنها والعزم على عدم العودة إليها. فرمضان شهر التوبة، فمن لم يتب فيه فمتى يتوب؟ قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فتأمل كيف أمر الله أهل الإيمان بالتوبة ورتب على التوبة الفلاح في الدنيا والآخرة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار في كل أحواله، فكيف برمضان؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. سابعا الحرص التام على أداء الواجبات من المحافظة على الصلوات والتبكير للجمع والجماعات وأداء حقوق الأهل وحقوق الوظيفة والعمل والإكثار من نوافل الصلاة والذكر والصدقة وقراءة القرآن. فأكثر من ختمات القرآن وما استطعت إلى ذلك سبيلا. فكل هذه الأمور من الخيرات لابد أن يجتهد فيها المسلم، وهذا من الحرص على الخير. وكذلك ينبغي التخطيط لدرس في التفسير مع الأهل والأقارب، في البيت، تجلس معهم وتقرأ معهم جزءا من التفاسير المفيدة التي تستفيد منها، كتفسير السعدي أو ابن كثير أو غيره من التفاسير الصحيحة الموثوقة. وكم من الناس لهم يعني لقاءات، فلو أن موفقا منهم اقترح درسا في إحدى المساجد الصحيحة على السنة ويجلس مع الإمام والإمام يدرسهم شيئا من التفسير في شهر رمضان، فهذا خير كبير والحمد لله. ثامنا، مما نستعد به لاستقبال رمضان، الاستعداد لتفطير الصائمين، فإن هذا عمل صالح. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم من غير أن ينتقص من أجر الصائم شيئا. رواه أحمد وصححه الألباني. وهذا لتجهز نفسك لإدخال السرور على الفقراء، وهذا من الأعمال المحبوبة إلى الله، بل إن مجالستك للفقراء والمساكين وخدمتهم من أنفع ما يكون لترقيق قلبك وإسالة دمعك وزيادة إيمانك، فهذا مهم جدا. وهذه فرصة يعني في رمضان. تاسعا، ومما ينبغي أن نستعد له أو أن يستعد له طلبة العلم خاصة والدعاة في رمضان، أن يجتهدوا مع النشاط يعني لتدريس الناس وتذكيرهم بالله وتذكيرهم بفضائل الصيام وتعليمهم الأحكام المتعلقة بالصيام وغيره. يقول تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteurs d'Allah, préservez-vous d'Allah. Et sachez que parmi les grâces d'Allah Azza wa Jal sur nous, et le fait qu'il y a une des périodes de l'année, parmi les périodes de miséricorde et de bénédiction qui approchent, dans lesquelles les grâces d'Allah et sa miséricorde descendent. Et donc il faut profiter du mois de Ramadan qui approche, un mois dans lequel Allah Azza wa Jal a fait descendre le Coran, un livre dans lequel il y a une guidance pour les hommes et des clarifications de la guidance et du discernement entre le vrai et le faux. Et donc c'est la source de toute guidance. Et donc dans ce mois béni, qui est le mois du Ramadan, qui représente en islam le troisième parmi les piliers et parmi les fondements de cette religion, c'est un mois dans lequel les portes du paradis sont ouvertes, tandis que les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. C'est-à-dire que dans ce mois-là, le croyant, il est encouragé à faire encore plus de bien qu'il fait d'habitude. Et il est facilité dans le bien qu'il veut faire, justement par le fait que les diables sont enchaînés. Mais comment accueillir ce mois béni? Comment accueillir ce mois béni? Est-ce que c'est en préparant tous les aliments et les ingrédients qu'on a besoin et d'aller acheter des grosses épiceries pour remplir le réfrigérateur, pour être capable de préparer toutes sortes de bons plats pendant le Ramadan? Est-ce que c'est ça la préparation? Non, la préparation pour le Ramadan, c'est de se déterminer et d'avoir cette détermination de vouloir faire beaucoup d'efforts dans les bonnes œuvres, dans l'obéissance d'Allah et dans l'adoration de notre Créateur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a encouragés de profiter de ces périodes bénies. Comme les individus dans la dunya profitent des périodes dans lesquelles il y a des rabais dans les magasins ou des soldes dans les magasins. Les gens courent parce qu'ils disent: ah, il y a 50% de rabais, 60% de rabais. Et ça, c'est des choses de la dunya. Mais dans la période du Ramadan, les hasanats sont doublés dans les récompenses et multipliés dans la récompense. Et la récompense du jeûne lui-même et de toutes les bonnes œuvres qu'on peut faire pendant ce mois-là, les récompenses sont multipliées. Pourquoi pas profiter de cette période qui n'arrive qu'une fois par année, hein, pendant 30 jours, 29 ou 30 jours. Donc il faut en profiter si on est intelligent et si on utilise notre tête. Et il y a 9 choses qu'il faut garder pour bien se préparer pour ce mois de Ramadan. Premièrement, demander à Allah Azza wa Jal de nous permettre d'atteindre ce mois-là. Car le dua, hein, c'est une adoration, et les salafs, ridwanallahi alayhim, ils demandaient à Allah pendant la moitié de l'année de faire en sorte que Allah les fasse vivre jusqu'au Ramadan. Et les 3 autres mois, les 6 autres mois, ils demandaient à Allah d'accepter leur Ramadan passé. Et donc ça fait partie des choses par lesquelles on doit accueillir ce Ramadan, ce mois. Le deuxième point, de remercier Allah Azza wa Jal s'il nous a fait ou s'il nous a permis de pouvoir atteindre ce mois béni. Car il y a des gens cette année qui ne sont plus avec nous et qui étaient là présents l'année passée ou l'année d'avant et avec qui on a fait ce jeûne. Et donc Allah Azza wa Jal, il nous a donné une année de plus dans notre vie pour profiter d'un Ramadan supplémentaire, et c'est une occasion pour nous de remplir notre compte, notre compte de banque de hasanat, inshallah, pour qu'on puisse rencontrer Allah avec une balance lourde, avec des bonnes œuvres au jour de la résurrection, bi'idhnillah. Le troisième parmi les points importants, d'accueillir ce mois-là avec de la joie et avec le fait d'être heureux, de pouvoir justement profiter de cette grâce, parce que les salafs, ridwanallahi alayhim, ils étaient satisfaits et ils étaient heureux quand ils entendaient que le mois de bénédiction approchait. Le quatrième point, d'être déterminé d'être sincère et d'être véridique, de vouloir justement profiter de ces bonnes occasions-là pour faire des bonnes œuvres. Et Allah Azza wa Jal, il connaît celui d'entre nous qui est sincère et celui qui ne l'est pas. Et c'est pour cette raison qu'il nous incite à être sincères, parce que il voit ce qu'il y a dans notre cœur et il sait si on est sincère ou non. Alors, commence à réfléchir depuis maintenant. Comment tu vas organiser ta journée pendant le Ramadan? Où est-ce que tu vas prier le Tarawih si tu as la possibilité? Parce qu'on sait que maintenant, avec la limitation des nombres, des places, ce ne sera pas tout le monde qui va pouvoir faire le Tarawih cette année. L'année passée, les mosquées étaient complètement fermées. On n'a même pas fait le Tarawih à la mosquée du tout, parce que c'était le confinement. Cette année, on a la possibilité, alhamdoulilah, de le faire en ce moment avec une limite de 25 personnes, malgré que là, avec le couvre-feu, ça risque d'être très compliqué. Mais si on peut pas le faire, à la kul les hal, on peut toujours faire le tarawih chez soi avec la famille. Et le chef de la famille qui se met devant, ou celui qui récite le plus, et il prend le mushaf s'il mémorise pas beaucoup, et il peut diriger sa famille dans la salat. Et il fait un nombre de rak'at, pour pouvoir justement profiter des bénédictions du tarawih et du ramadan. C'est pas nécessaire, ou c'est pas une condition pour que le tarawih soit valable, qu'il soit fait à la mosquée. Du moment qu'il est fait en groupe et qu'il est fait, en groupe dans la maison, eh bien, ça compte aussi, Et donc, il n'y a pas de problème. Et on sera toujours capable de mettre en pratique cette ibadah pendant le mois de Ramadan, même si la mosquée est fermée. Cinquièmement, il faut apprendre bien comme il faut les règles du Ramadan pour être certain que notre Ramadan va être correct et qu'il va être mis en pratique selon les conditions, pour éviter de tomber dans des erreurs qui risquent d'annuler notre jeûne parce qu'on n'a pas bien compris ou étudié les règles. Sixièmement, de se repentir sincèrement à l'arrivée du mois de Ramadan de tous les péchés qu'on a pu commettre durant l'année, et d'avoir la ferme détermination de ne plus les refaire dans l'avenir, et d'avoir les remords d'avoir commis ces péchés-là, et de repartir à neuf avec une page vierge, parce qu'on s'est repenti de nos péchés, Et comme on dit, attaibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Celui qui s'est repenti du péché, c'est comme s'il n'avait pas de péché. Il redevient comme quand il est né, le jour de sa naissance. Et septièmement, d'être déterminé à faire des efforts pour établir les actes d'adoration, en commençant bien entendu par les obligations, les choses obligatoires. Parce que beaucoup de gens mettent beaucoup d'importance et beaucoup d'incitation sur les actes surérogatoires. Par exemple, ils vont faire le taraouih, mais ils font pas les prières obligatoires. Alors, il faut mettre les choses en perspective. Les choses obligatoires, c'est la priorité. Une fois que tu as fait les choses obligatoires, après tu fais les nawafil, les choses recommandées et surérogatoires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit comme Allah azza wa jalla, il le mentionne dans le hadith al-Qudsi, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَدْتُهُ عَلَيْهِ. C'est-à-dire, il n'y a rien par quoi mon serviteur peut se rapprocher de moi que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. فَإِذَا, donc s'il l'a fait, يعني, s'il fait les actes obligatoires, يعني, لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Il va continuer à faire des actes surérogatoires par la suite jusqu'à ce que je l'aime. Mais tu peux pas faire les nawafil si tu n'as pas commencé par al-fara'id en premier. Donc faire beaucoup d'efforts pour ça. Aussi pour ceux qui font le ramadan chaque année, mais qui font pas la salat. Et ça c'est inacceptable. La salat est le deuxième pilier après la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Le deuxième pilier, c'est la salat. 5 fois par jour. Ça, c'est quotidien. C'est tous les jours. Si tu la délaisses, c'est beaucoup plus grave. Parce que c'est la distinction entre le musulman et le non-musulman. Et donc, tu peux pas délaisser la salat. Donc, si tu veux que ton ramadan soit accepté, fais ta salat. Si tu fais pas ta salat, ton ramadan, il va pas être accepté. Parce que ces piliers-là, ils vont ensemble. Naam. Et donc, tout ça, il faut faire beaucoup d'efforts. Et beaucoup d'efforts aussi pour apprendre le Coran et étudier un peu de tafsir du Coran pendant le ramadan, si c'est possible. Il y a des cours. Et moi, chaque année, pendant le ramadan, je fais des cours de tafsir. En arabe et en français. Et il y a des cours de tafsir disponibles sur les sites des ulama, de Cheikh Ibn Uthaymeen. Il fait le tafsir et beaucoup d'autres ulama aussi qui ont fait des durus de tafsir. Tout le monde peut profiter de ces cours-là. Il y a même le tafsir de Cheikh Saadi. Il est disponible sur Internet. Tout le monde peut le télécharger si on n'a pas la copie à la maison, en PDF. Et en plus même, il y a la version maintenant audio. C'est-à-dire si quelqu'un veut écouter la lecture du tafsir, il a juste à aller sur Internet, il trouve... Le tafsir al-Sa'di, quelqu'un qui le lit. Et tu le mets sur ton ordinateur, puis tu l'écoutes. Très facile. Et tu profites. Également, tu te prépares pour le ramadan pour essayer de faire du bien. Tu peux essayer de nourrir des gens pendant le ramadan. Ça, c'est une période pour donner de l'argent pour les pauvres. Ou il y a des gens, par exemple, qui veulent faire l'iftar. Dans certains pays, ils ont rien à manger pour le ramadan ou pour l'année, même pendant l'année en général. Alors, c'est la bonne occasion pour faire des sadaqat, pour aider les gens. Et celui qui nourrit quelqu'un pour son iftar pendant le ramadan, il aura la récompense de son jeûne dans cette journée-là. Donc ça, c'est une grande récompense et c'est une incitation à faire le bien. Et le dernier point parmi les points... c'est de faire des efforts pour ceux qui ont étudié la religion et qui connaissent l'islam, de faire plus d'efforts dans le mois de ramadan pour faire plus de da'wah et d'inviter à Allah et d'encourager les gens à faire le bien et d'ordonner le bien et d'interdire le mal et de donner la nasiha aux gens. Tout ça, c'est des choses très importantes. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa al-ghafurur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.